avant-dernière partie de ce convoi de l'eau. Je vous invite à écouter les premières parties, enfin le début quoi, c'est ça que je voulais dire, pour bien comprendre ce qui se passe, dans quoi vous rentrez, parce que là en fait, pendant une heure, on est sous les arbres, il fait chaud, il fait très très chaud, hein. La musique est là avec des récits de lutte, de la poésie, des gens qui se sont battus et qui ont gagné. Voilà, c'est comme ça que l'intitulé s'est fait un peu là pour cet après-midi-là. Et ben, on est parti. Dire aussi que le son, il y a des micros, donc il y a un espèce d'écho. Vous voyez, la prise de son n'est pas prise à même la voix toute nue là. Il y a quand même un micro, des micros, deux micros. D'ailleurs, qui étaient pas mal installés parce qu'ils étaient dans les arbres, les fils. Et j'avais demandé à ceux qui avaient installé les fils dans les arbres combien de temps ça leur avait pris parce qu'il n'y avait pas d'échelle, quoi. Donc, c'était joli, en fait, aussi de voir ces micros qui pendaient des arbres comme ça. Voilà. Donc, avant-dernière partie, et aussi dire, c'est vachement politique ce qui se passe, hein. C'est une grosse bataille, elle est importante, il faut la soutenir, soutenons-la, même qu'on soit ici en Belgique, c'est les mêmes politiques qui sont menées, en fait, hein, il faut le savoir, vous le savez d'ailleurs, on le sait. Je vous invite à aller voir Bassine, non merci. Il y a les soulèvements de la terre et puis la Confédération paysanne, entre autres, hein, qui ont préparé ce convoi de l'eau. Et on peut aller checker et ça se passe aujourd'hui. C'est maintenant, il y a des gens qui doivent passer des procès. Enfin, voilà, j'avais envie de dire ça aussi. Micro ouvert. En 1990, sur la Loire, il y a déjà deux barrages qui ont été construits. Et ils ont été construits, écoutez bien, pour assurer aux centrales nucléaires qui préexistent les débits nécessaires pour leur permettre de diluer leurs effluents. Vous le verrez demain à mer, mais les effluents, les centrales nucléaires donnent, envoient régulièrement un certain nombre d'effluents radioactifs et il faut les diluer. Et c'est pour ça qu'on a créé ces deux premiers barrages. Alors je dis lesquels ? Villeray, sur la Loire, un peu en amont de Roanne, et Naussac, sur un affluent de l'Allier, mais sur un petit affluent de l'Allier qui est chargé aussi d'amener de l'eau. À ce moment-là, un certain nombre d'élus du bassin disent « mais c'est pas le tout qu'on ait permis d'aménager sur notre bassin des choses qui sont plutôt liées à des intérêts nationaux, mais nous, on veut aussi notre part du gâteau, et nous voulons construire un programme de 4 barrages, ces 4 barrages ayant tous des fonctions plutôt économiques, soit d'irrigation, soit de protection contre les crues, soit de production d'hydroélectricité, et soit aussi, parce qu'il y a des retenues, de tourisme sur les retenues. Ces 4 projets de barrage, honnêtement, ils emportent pratiquement l'adhésion de tous les élus qui sont regroupés dans un organisme qui s'appelle à l'époque l'EPALA, établissement public d'aménagement de la Loire et de ses affluents. Et à la tête de cet établissement, il y a M. Jean Royer, maire de Tours, dont la doctrine principale, et il l'a répété partout, c'était que la nature était mal faite et qu'il fallait que l'homme la corrige. Voilà, franchement, il s'y est employé. Il s'y est employé, mais, au terme d'une lutte d'environ une dizaine d'années, un collectif qui s'appelait Loire Vivante, dont je me flatte, auquel je me flatte d'avoir appartenu, ce collectif, composé d'une huitaine d'associations et des groupements tout au long de la Loire, a obtenu l'abandon de 3 barrages principaux sur 4. Et on n'était pas mécontents, hein, parce que ce n'est pas des victoires qu'on obtient si souvent que ça. Et par-dessus le marché, toute cette bagarre a eu toute une série de conséquences, un peu qu'on n'avait pas prévues au départ, mais qui sont des conséquences tout à fait intéressantes pour nous. Par exemple, il y a eu la création du premier Loire Grandeur Nature, et qui a prévu le premier arasement de barrages importants, qui est le barrage de Maison Rouge sur la Vienne. Il y a eu des plans de sauvegarde des poissons migrateurs. Il y a eu principalement une réappropriation de la Loire par les gens qui habitaient autour. Et nous sommes ici à un endroit qui correspond à ce type de réappropriation. Il y a eu du développement de la batellerie traditionnelle. Et parmi les gens qui vont parler, vous reconnaîtrez peut-être des bateliers. Il y a eu l'inscription de la Loire comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Tous ces éléments. Il y a eu la Loire à vélo. Et il y a eu mais aussi le développement d'une nouvelle culture du risque et de l'abandon des stratégies imbéciles de protection sur les inondations qui consistaient à monter toujours plus haut les digues et à avoir donc par conséquent toujours de plus grosses catastrophes. Tout ça était des conséquences de ce combat. Quand nous voyons arriver 2020, nous plaisons, nous estimons que nous retrouvons plein d'éléments qui créent une vraie solidarité entre ces deux combats. Premièrement, mêmes ancrages territoriaux, même utilisation de toutes les formes de combat, j'y insiste. Il y a de la désobéissance civile, il y a du travail sur les dossiers, il y a des mobilisations de longue durée avec des pérégrinations le long de la rivière ou ailleurs, et il y a de la lutte juridique, il y a tous ces éléments-là, et c'est ça qui fait gagner. La deuxième chose, c'est qu'il y a de la même façon, il y a vraiment un renversement de la problématique, il y a une vision du monde qui est autre. Et si je pouvais la résumer, je dirais arrêter d'essayer de changer la nature pour l'adapter aux besoins humains, mais être capable d'adapter les activités humaines à la nature telle qu'elle est, et sans vouloir la changer, et donc avoir l'intelligence d'être capable de s'intégrer à l'intérieur. Vous voyez bien le décalage avec Jean Royer, ça ne me plaît pas, je remplace la nature, et nous, notre point de vue, c'est on prend la nature telle qu'elle est, et on est capable, on a l'intelligence de savoir travailler avec. Même chose sur les mêmes soucis aussi dans l'action, de gagner une majorité culturelle. Et j'insiste là-dessus, nous avons gagné parce que nous avons emporté l'adhésion. Et je pense que ce que nous sommes en train de faire ici, c'est exactement la même chose et que c'est comme ça qu'on gagnera. C'est comme ça qu'on fera jouer l'intérêt général contre les intérêts particuliers. Bref, tout ça nous a fait gagner. Tout ça nous a fait gagner dans les années 90 et tout ça va nous faire gagner dans les années 2020 et c'est tout le bien que je nous souhaite. Vous êtes ici au bord de la Loire, on s'est dit, on rencontre des phénomènes, c'est un autre univers, c'est une rencontre avec un autre univers, mais c'est aussi une rencontre avec des problématiques plus larges que simplement les aspects quantitatifs. Alors vous verrez que dans les gens qui vont intervenir aujourd'hui, il y en a qui vont intervenir sur des aspects quantitatifs aussi, de partage de l'eau. Mais on veut aussi vous dire que l'eau, c'est pas seulement ça. C'est aussi des problèmes qualitatifs. La qualité de l'eau, c'est extrêmement important. La façon de permettre de vivre aux humains et aux non-humains, c'est extrêmement important. La question de la température de l'eau, on ne le dit pas toujours suffisamment, mais c'est extrêmement important aussi pour les écosystèmes. Donc on veut évoquer ces questions-là. On veut évoquer la question du sable. Alors c'est bizarre sur des questions de flotte de parler de la question du SAM, mais pour nous c'est des questions qui sont fondamentales. On va vous expliquer un peu aussi pourquoi on vous a dit de ne pas aller vous baigner là-bas. Pas seulement parce que c'est interdit, mais parce qu'il y a un vrai problème sur la baignade. Voilà, on veut vous expliquer tout ça. On a prévu d'être un peu sur du varié, pas seulement sur les angles aussi. Et donc il y aura des éléments poétiques. Il y aura tous ces éléments-là. Ça va peut-être être un peu chargé. Ne vous en faites pas, s'il y a des trucs dont vous voulez discuter, c'est ça vraiment, c'est pour ça qu'on est là, et donc on discutera avec vous autant de fois que vous voudrez. Merci. Bravo. Thank you. Nous chantons la Loire en courroux. Comment, ayant rompu la levée, se ruant par cette brèche, elle inonda la douce Varenne, emportant dans son ardeur les riches semailles et le labeur des bœufs. Voici qu'ébranlée par la fureur soudaine de la vague, la digue de Saumur a tremblé. Le grondement de l'eau l'entoure de son fracas, et l'onde bouillonnante est en joie d'avoir de sa seule force terrassé la digue géante. Au faîte d'un arbre élevé, cet autre essaie de vite grimper et de cueillir dans le ciel la vie tant désirée. Voici un arbre, mais hélas, la faim le tenaille et le malheureux meurt de soif au milieu de l'onde. Nous allons entendre parler maintenant Philippe de la qualité de l'eau. Merci Philippe. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je me présente, Philippe, je suis pêcheur professionnel sur la Loire. D'accord, si vous m'entendez mieux comme ça. Donc je me représente, Philippe, je suis pêcheur professionnel sur la Loire, entre Chaumont, Amboise et puis Mont-Louis. Mais je suis aussi scientifique de formation, je suis docteur en sciences en écologie aquatique. Et comme Gilles, je suis un ancien militant du collectif Loire Vivante. Donc par la qualité de l'eau, on entend qualité physico-chimique, organique, biologique et plus globalement écologique des eaux et des milieux aquatiques. L'eau ne va pas sans les milieux qui la supportent ou qui leur permettent de vivre. En fait, après la réindustrialisation de la France après la Seconde Guerre mondiale, l'exode rural et l'intensification de l'agriculture, avec le remembrement complété par l'arrachage des haies, le recalibrage des cours d'eau et l'assèchement des zones humides, des flux importants d'eau usée non traitée sont venus fortement polluer les rivières, les lacs, les estuaires. Compte tenu des difficultés croissantes d'approvisionnement en eau potable, les parlementaires ont alors voté en 1964 une première loi sur l'eau, ce qui était une première mondiale pour gérer l'eau de manière cohérente de la source jusqu'à la mer à l'échelle des grands bassins hydrographiques. Cette loi a également créé les comités de bassin, sorte de parlement de l'eau, qui planifie la restauration de la qualité écologique des eaux et des milieux aquatiques, auxquels sont adossées les agences de l'eau, j'en parle puisque vous allez y aller à leur rencontre vendredi. Ce sont des sortes de mutuelles qui financent les opérations de restauration de la qualité de l'eau. Ça, c'était au départ. Depuis cette époque, les actions de construction des réseaux d'égouts et de stations d'épuration ont été efficaces, puisque les grosses pollutions urbaines et industrielles, organiques et chimiques, ont été quasiment supprimées. Reste bien sûr maintenant à continuer à entretenir les outils et surtout à innover pour traiter les polluants émergents comme les résidus de médicaments et d'hormones, les perturbateurs endocriniens, les microplastiques, et j'en passe, et encore, si possible, réduire les flux d'azote et de phosphore. Alors, les flux d'azote, notamment, ça, c'est la troisième grande source de pollution, l'agriculture conventionnelle, qui, elle, n'a pas diminué les pollutions diffuses depuis 1964, malheureusement, avec principalement les nitrates et les pesticides. Pour les nitrates, la pollution se traduit par des marées vertes sur les côtes, mais également ici dans la Loire, hein, derrière vous, par des marées vertes en eau douce, ce qui est beaucoup moins connu, parce que quand même pas de marée basse, ça gêne beaucoup moins les touristes. Nous, pêcheurs professionnels, on est très, très handicapés par ce type de phénomène. La Loire, comme ses grands affluents, le Cher ou la Vienne, étouffent et sont englués dans des masses considérables d'algues vertes. Ce sont des espèces différentes, mais le phénomène qui les produit à les mêmes causes que sur les côtes bretonnes et pays de la Loire. Avec les excès de température dus au réchauffement climatique et le manque de débit nos cours d'eau, forcément, les pollutions sont plus concentrées et le phénomène de marée verte en eau douce s'aggrave. Car pour les nitrates, il y a deux valeurs seuil. Au maximum 50 mg par litre pour que l'eau soit potabilisable, mais c'est seulement au maximum 18 mg par litre pour que les marées vertes ne se produisent plus. 18. Et là, on est très très loin du compte. Les teneurs en pesticides dans les eaux du bassin ne baissent pas non plus. Dans les cours d'eau de la région Centre-Val-de-Loire, on trouve en 2019 206 molécules de pesticides différentes et on trouve des cocktails de 31 molécules prises au hasard parmi ces 206 dans 20% des prélèvements. Autant dire une potion infernale, quoi. C'est les cocktails, on ne sait pas évaluer leurs incidences sur la santé et sur l'environnement. Les solutions pour réduire ces pollutions sont connues et restaurer la qualité écologique des eaux et des milieux aquatiques ne manque que la bonne volonté pour les mettre en œuvre. La révolution agroécologique et la mise en œuvre des solutions fondées sur la nature pour redonner aux rivières des capacités d'auto-épuration, reméandrage des cours d'eau, plantation de haies sur talus, restauration de zones humides. Merci. Que la Loire porte si loin m'ont été familiers de bonne heure. Aussi loin que remonte ma mémoire, le bateau de mon père, la longue et lourde plate vert d'eau avec son nez tronqué, avec sa bascule à l'arrière qui servait de vivier pour le poisson, son banc du milieu percé d'un trou où l'on pouvait dresser un mât pour une voile carrée, a tenu dans ma vie une place presque quotidienne. Il était amarré au quai de la Loire, à 30 mètres de notre maison. J'y sautais, aussi familièrement les rames sur l'épaule, que plus tard j'enfourchais ma bicyclette. Alors Catherine n'est pas là aujourd'hui, mais elle a écrit un texte que Philippe va nous lire. Donc un texte sur la température de l'eau. Donc Catherine, je la présente. Donc elle est enseignante chercheuse à l'Université de Tours, docteur en sciences en écologie aquatique comme moi. Et c'est aussi une ancienne militante du collectif Loire Vivante. Voilà, donc nous sommes bien en famille, pas de problème. Donc la température de l'eau, c'est un facteur physique très important, surtout dans le contexte du réchauffement climatique, qui intervient dans divers processus pour les milieux aquatiques, pour les rivières, physiques, chimiques et biologiques, et qu'il va falloir prendre en compte encore plus qu'auparavant avec ce foutu réchauffement. Tout comme il est possible de définir un régime hydrologique d'une rivière, c'est-à-dire le débit, la quantité d'eau qui passe et les variations de l'eau qui passe, On peut identifier son régime thermique, c'est-à-dire les variations de température annuelle dans l'eau. Les facteurs majeurs qui déterminent le régime thermique d'un cours d'eau sont au nombre de trois. Le climat, l'hydrologie, avec le caractère stagnant ou courant de l'eau, très important, j'y reviendrai, et l'exposition à la lumière du soleil. Je rappelle juste qu'ici, on est théoriquement sous un climat océanique tempéré. Bon, c'est plus trop le cas justement. Mais toujours est-il que nos espèces indigènes, la biodiversité, elles sont adaptées pour survivre dans un climat océanique tempéré, avec les températures qui vont avec. L'un ou l'autre de ces trois facteurs, et bien sûr toute une combinaison de ces facteurs, est donc susceptible de modifier le régime thermique d'un cours d'eau. Ceci peut être dû aussi bien aux activités humaines qui agissent de manière directe, avec les rejets d'eau chaude ou froide, ou indirecte via le changement climatique. Pour la majorité des êtres vivants, leur activité et leur développement sont en fonction de la température. Parce qu'il n'y a que les mammifères et les oiseaux qui régulent la température de leur corps. Tous les autres êtres vivants sur la planète, c'est la température du milieu qui régit leur possibilité de vivre. L'augmentation de l'activité biologique en lien avec l'augmentation de la température, ça suit une courbe qui montre dans une première phase une augmentation générale, rapide, qui ensuite se ralentit pour passer par un maximum, suivi en général d'une chute brutale. Chaque espèce d'être vivant, autre que les oiseaux et mammifères, à sa courbe de température, qui est adaptée au contexte dans lequel elle vit. La température létale inférieure est la température au-dessous de laquelle l'espèce ne peut survivre. Et la température létale supérieure est la température au-dessus de laquelle elle meurt. C'est le cas du saumon adulte. Qui est mort à partir de 25 degrés. Pourquoi je vous parle du saumon ? Parce que là, dans la Loire, là, c'est le dernier habitat qui accueille la dernière population de grands saumons, de grandes migrations d'Europe occidentale. C'est la seule population capable de faire 1000 km pendant plus d'un an, puis se reproduire, puis mourir pour assurer la descendance. On voit un patrimoine biologique inestimable. Et en plus, c'est un poisson qui vient de l'Arctique. Donc de plus, les températures létales supérieures des stades œufs et alevins sont plus basses que celles du stade adulte. Les espèces qui seront le plus touchées par le réchauffement climatique sont celles qui présentent les amplitudes thermiques les plus étroites et qui ont besoin d'eau froide. Les évolutions de température ont des impacts sur les espèces et notamment sur la circulation des poissons grands migrateurs. Poissons grands migrateurs, on attend les espèces qui, pour faire leur cycle de vie, ont impérativement besoin de grandir dans l'océan et de se reproduire dans l'amont de nos rivières. Ceux-ci, pour leur déplacement, ont besoin de températures particulières. Il y a donc un seuil thermique minimum et un seuil maximum pour ces déplacements. Par exemple, le seuil de 11 degrés est le seuil minimum pour le déplacement des aloses, un poisson de la famille de la sardine du hareng, mais qui a le même cycle que le saumon. Et cette température de 11 degrés était dépassée le 26 mars en 1980. En 2020, ce seuil est dépassé 14 jours plus tôt. Mais la survenue de ce 18 degrés, qui lui déclenche la reproduction des aloses, était le 28 juin en 1980, pour le 28 mai en 2020, soit un mois plus tôt. Et donc il y a une perte de 16 jours pour affronter les débits du fleuve et faire la migration de reproduction jusqu'à l'amont de notre bassin. Ceci conduit une fraction de la population à se reproduire sur des zones qui ne sont pas adaptées, qui ne peuvent pas accueillir les œufs et les alevins dans de bonnes conditions. Une partie des individus peut néanmoins continuer à se déplacer vers l'amont, quand il n'y a pas trop de barrages. Pour le saumon, c'est une espèce qui grossit dans l'océan glacial arctique. Hein, pour les enfants, je dis souvent que c'est un poisson qui passe ici devant nous, là, qui revient d'un endroit où il a eu des ours polaires, quoi, et des narvals. Voilà. Eh bien, ce poisson à faible amplitude thermique, pour cette espèce, le seuil de 18 degrés provoque l'arrêt de la migration. Il ne peut plus avancer. Il fait déjà trop chaud. Où qu'il soit. Et donc, ceux qui n'ont pas pu atteindre les zones de refuge estivales du Haut-Allier, c'est bon ? C'est bon, vous m'attendez ? Et donc, les saumons qui n'ont pas pu atteindre les zones de refuge estivales où l'eau est fraîche sur le Haut-Allier, Eh ben, ils sont morts, simplement. Et donc l'espèce est en risque d'extinction rapide maintenant. Ces considérations relatives uniquement à la température ne tiennent pas compte, premièrement, de la diminution de la quantité d'oxygène dissous dans l'eau qui, au fur et à mesure que la température monte, et deuxièmement, de la plus grande évaporation de l'eau stagnante derrière les barrages. Les eaux stagnantes se réchauffent plus que les eaux courantes. Et on a 7 degrés d'évaporation en plus par degré supplémentaire. Par exemple, ici en Indre-et-Loire, entre le Cher canalisé qui est juste à quelques kilomètres derrière nous et la Loire ici, donc le Cher canalisé avec des barrages, en été, l'eau du Cher est au moins 2 degrés plus élevée. C'est-à-dire 14 degrés d'évaporation supplémentaire dans le Cher par rapport à la Loire. Et donc il y a moins d'eau arrivée à Tours avec les barrages qu'il n'y en aurait sans les barrages. Et ça, c'est contre-intuitif et notamment beaucoup d'élus auront du mal à l'admettre. Seule solution pour sauver les poissons grands migrateurs, espèce parapluie, assurer réellement une libre circulation tout au long du fleuve en reconfigurant les trop nombreux barrages. Merci. Merci Philippe. Et je voudrais inviter les gens qui viennent juste de nous rejoindre à ne pas hésiter à se mettre à l'ombre. Vous pouvez passer, n'hésitez pas à venir dans l'espace et vous asseoir, trouver un coin à l'ombre. Impossibilité scientifique. L'eau ne résout rien, mais rend tout possible. Telle, unie à elle-même, elle tourne en une continuelle révolution. De ça, de là, en haut, en bas, courant, jamais elle ne connaît la quiétude. Pas plus dans sa course que dans sa nature. Elle n'a rien à soi, mais s'empare de tout, empruntant autant de natures diverses que sont divers les endroits traversés. À l'échelle cosmique, l'eau est plus rare que l'or. Mon cœur est saturé de plaisir quand j'ai du pain et de l'eau. Ne connaissons la valeur de l'eau que lorsque le puits est à sec. L'eau est un indéterminé, pourtant déterminable, un chaos sensible. Et maintenant, Je vais inviter Ludivine à nous parler d'eau et de maraîchage. Ludivine, tu es là. Super. Et je le redis, il y a une installation faite par l'artiste Zazou au bout de la plage, là-bas, quand vous continuez sur la droite face à la Loire. Bonjour, moi c'est Ludivine, je suis maraîchère bio à Ambiou à 30 km d'ici et au comité de la Conf 37. Alors, sur la question de l'eau, la Confédération Paysanne, en tant que syndicat, conteste la politique agricole menée par les gouvernements passés et actuels et conjointement avec la FNSEA. La Conf réaffirme par ses choix politiques la nécessité de, d'abord, préserver la ressource en eau à l'alimentation humaine et aux écosystèmes, et dans un second temps, de la partager entre les différents usages, en hiérarchisant les besoins. Ceci peut nécessiter de plafonner par des décisions politiques les prélèvements selon les territoires, encore plus dans un contexte de changement climatique. La Conf, via ses ADA, qui sont les associations de développement de l'emploi agricole et rural, accompagne les paysannes et paysans tout au long de leur parcours, de l'installation à la transmission, avec des formations adaptées à l'agriculture paysanne et à l'autonomie des systèmes de production. Le cas de la filière maraîchère. La filière maraîchère est de plus en plus sinistrée et pose un très sérieux problème de souveraineté alimentaire, puisque plus de 30% des légumes consommés en France ne sont pas produits en France. En Touraine comme ailleurs, nous nous sommes mobilisés intensément pour accueillir de nouvelles générations désireuses de se lancer dans ces productions paysannes à taille humaine et en vente directe. Ce ne sont pas les schémas soutenus prioritairement par les chambres d'agriculture aux mains du syndicat majoritaire, alors que le bilan de la dernière commission départementale d'orientation agricole d'Indre-et-Loire, qui est pilotée par les services de l'État, montre bien que la seule filière qui maintient son nombre d'exploitations est la filière maraîchère. Ce constat conforte les choix portés par la Confédération Paysanne en partenariat avec ses ADA depuis presque 20 ans. Aujourd'hui, selon les territoires, avoir un accès à l'eau et en règle vis-à-vis de la loi n'est pas une priorité. Alors que sans eau, il n'y a pas de légumes et globalement pas de vie. Les volumes d'eau nécessaires pour le bon fonctionnement des activités maraîchères sont modestes, environ 1000 m3 par hectare et par an, contrairement à d'autres modèles de production destinés à l'export sans relation avec un enjeu de souveraineté alimentaire et pour lesquels les accès et prélèvements autorisés peuvent être considérés comme illimités. L'injustice est d'autant plus forte que lorsque des productions céréalières irriguées déjà en place, pouvant arroser plusieurs milliers de mètres cubes par jour, n'ont pas à produire une étude d'impact sur les milieux. Pour exemple, ces études coûteuses sont actuellement demandées en Vienne, département limitrophe du 37, pour toute installation maraîchère qui voudrait avoir un accès à l'eau. Alors que pour les irrigants disposant d'un accès historique à l'eau, il n'y a aucune remise en cause des volumes attribués et de leur impact. Ces volumes attribués historiquement pourraient être l'objet d'un partage de la ressource. Les méga-bassines ne renforcent que la privatisation de l'eau pour quelques-uns, sans se poser la question de la ressource disponible sur un territoire. Ceci pose le problème de l'arbitrage, du partage d'un bien commun et au final de la démocratie. L'eau ne se confisque pas, ne se gaspille pas, ne se négocie pas. Sur une ressource aussi vitale que celle de l'eau, nous pouvons nous poser ces questions. Où et par qui s'effectuent les arbitrages et selon quels intérêts? Nopa Saran, merci. Thank you. Les voix libératrices ne sont pas les voix apaisantes, les voix rassurantes. Elles ne se contentent pas de nous inviter à attendre l'avenir comme on attend le train. L'avenir est quelque chose qui se surmonte. On ne subit pas l'avenir, on le fait. En n'aimant pas le monde, en nous contentant de l'utiliser, nous le méprisons et nous le perdons. Hors du monde, tel qu'il est déjà depuis toujours avant nous, hors de sa reconnaissance, nous ne pouvons vivre qu'à côté de nous-mêmes. L'heure approche, oui, l'heure est venue, où un vaste nombre d'individus dans nos nations occidentales vont décider de se détacher sans agressivité, sans aucune attitude théâtrale, mais avec obstination, ruse et constance, de tous les aspects de la vie moderne qui tendent à ruiner la poésie essentielle, de quoi dépend une vie humaine calmement heureuse. Retirer l'homme de son entourage naturel, de la plénitude de sa vie communale, avec toutes ses vivantes associations de beauté, d'amour et d'obligations sociales, et vous pouvez le changer en autant de fragments de machine qu'il vous plaira pour la production de la richesse sur une échelle gigantesque. Changez un arbre en bûche et il brûlera pour vous, mais il ne portera jamais de fleurs ni de fruits vivants. Et maintenant, nous allons accueillir Clément, qui va nous parler du sable. Alors, bonjour. Ça va être l'exercice de parler avec une seule main. Je me sens un peu manchot, parce que d'habitude, j'ai les deux mains. Moi, je suis marinier à Rochecorbon, dans une association qui s'appelle la Rabouilleuse École de Loire. Et on circule entre eau et sable. Donc effectivement, la rivière, c'est vrai que c'est intéressant de rappeler que c'est pas seulement de l'eau. En fait, il y a un élément qui est absolument essentiel, qui est ces sédiments. Si vous voulez, je vais faire deux, trois parallèles un peu médicales. J'ai rien du tout, aucune compétence là-dedans, mais c'est un peu comme le sang quand même. Enfin, cette image de se dire le sang, c'est beaucoup d'eau, mais c'est pas que de l'eau. En fait, c'est aussi de l'oxygène, c'est aussi des nutriments. Et la rivière, c'est un peu la même chose. C'est de l'eau, mais c'est tout ce qu'elle transporte, en fait, qui donne aussi sa valeur. Ce sable, qui est là, ici, sur la plage de la Métairie, il a été, effectivement, très, très utilisé depuis toujours dans les constructions. Mais c'est vrai qu'on a eu, pendant des siècles, l'habitude de l'utiliser, notamment pour faire des joints, entre les murs en tuffeau, par exemple, ici. Donc, vous voyez les blocs de tuffeau, et puis on faisait le mortier, quoi, pour assembler les pierres. Puis, au sortir de la guerre, il y avait pas mal à reconstruire, et on s'est dit, bon, le tuffeau, quand même, c'est du taf, faut sortir les pierres, un peu de galère. Laisse tomber, on va faire le mur en joint. Et c'est l'avènement du ciment, en fait. Et là, on s'est mis à consommer des quantités absolument astronomiques de sable, puisque donc, quand vous regardez un pont, une route, un bâtiment, ce n'est que du sable, enfin du sable et du gravier. C'est directement cette matière qui est extraite de la rivière pendant 40 ans. Et on considère qu'en 40 ans, on a tiré l'équivalent, alors il parlait de 400 ans, puis finalement 600 ans, entre 600 et 700 ans d'apport de la rivière, donc en, voilà, en 40 ans. Donc c'est des extractions extrêmement perturbantes pour la rivière. Et je vais essayer de vous faire toucher du doigt, de comprendre pourquoi. Deux choses immédiates dans le paysage. Ce qui s'est passé, c'est qu'il faisait des trous à un endroit, et puis l'eau, juste en amont, prend le sable et vient boucher le trou. Donc ça redevient plat, si vous voulez. Mais bon, à chaque fois, ça descend, et tout le niveau descend. Sauf qu'il descend, mais chaque été, la rivière, elle ne peut pas aller chercher le sable sur les bancs de sable. Et donc elle descend sans ses bancs de sable. Ce qui fait que l'hiver, elle remonte, comme chaque hiver, puisqu'il pleut normalement, hein, l'hiver. Et donc l'hiver, l'eau remonte, mais elle n'arrive plus à remonter assez longtemps sur le banc de sable pour asphyxier la végétation. La végétation s'installe, les peupliers poussent, et petit à petit, à chaque fois que la rivière remonte sur ce banc de sable, alors elle est ralentie par les branches et elle dépose les sédiments. Et je ne sais pas si vous voyez la dynamique qui, petit à petit, amène à une séparation de la rivière et de ses berges. Ça, c'est extrêmement problématique. Parce que quand on se balade sur la Loire, c'est un plaisir d'être au milieu, parce qu'en fait, on est au milieu des deux rives. Et ce qui est intéressant dans une rivière, en fait, c'est les rives. Si j'avais compris ça plus jeune, j'ai passé mon enfance à vouloir la plus grande canne pour aller pêcher les poissons au milieu, parce que j'étais convaincu qu'au milieu, il y avait les gros poissons. Sauf qu'en fait, non, les gros poissons, ils bouffent les moyens poissons, qui bouffent les petits poissons, qui sont tous à la rive, en train de se dire, est-ce qu'il va se casser la gueule, cet asticot ? Voilà, la nourriture, elle arrive des rives. Et donc, toutes ces zones de mélange, là, entre l'eau, la terre et le soleil, c'est vraiment ces zones-là qui sont vivantes. C'est absolument essentiel, et c'est important de l'avoir en tête, parce que souvent, quand on pense une rivière, on se dit, c'est un couloir avec de l'eau qui coule. Et parfois, on se dit même, bah, tiens, on va faire un mur de chaque côté du couloir. Le problème, c'est que quand on fait un mur de chaque côté de la rivière, c'est pas sur les côtés de la rivière, en fait, c'est sur le vivant de la rivière qu'on fait le mur. Et quand vous faites une coupe transversale d'une rivière et que vous avez du béton, de l'eau, du béton, vous pouvez appeler ça une rivière si ça vous fait plaisir, mais c'est un canal d'évacuation. En fait, la rivière, elle se passe à cette zone de rencontre-là. Et ça, c'est ce qu'on peut observer directement dans le paysage quand on se balade. Et je le fais remarquer souvent aux gens, je dis, bah, tiens, dites-moi où vous voyez les oiseaux, là. Alors, il dit, là, non, admettons, je suis malvoyant. Décrivez-moi où sont les oiseaux. Et systématiquement, la démonstration est faite, donc je vous invite à la faire en remontant jusqu'à Orléans. Vous verrez toujours, les oiseaux, ils sont à la rive, parce que, bah, effectivement, les poissons sont là, parce que la vie se développe à ces endroits-là. Alors, ce qui est vrai à cette échelle-là, dans le paysage, eh ben, elle est vraie aussi à une échelle beaucoup plus grande. Et je vais vous inviter à prendre de la hauteur. Et imaginez que, bah, sur Terre, la vie, elle arrive toujours du mélange entre l'eau, la terre et le soleil. C'est-à-dire que dans le désert, il n'y a pas l'eau. Du coup, c'est le désert. Et puis au milieu de l'océan, ben, il n'y a pas la terre, donc c'est le désert aussi. Le milieu de l'océan, c'est la productivité du désert, en termes de biomasse. Donc quand un marin voit un oiseau, il se dit « Yes, la terre !» Il sait qu'elle arrive à la côte. Donc la vie, à l'échelle de la planète, elle est juste sur cette zone, cette pellicule-là, cette côte, en fait. Et puis sur cette côte, selon les latitudes, et on a une chance assez incroyable, il y a des vagues. Alors les vagues de l'océan, on les voit, on les imagine tous, c'est les vagues qui viennent comme ça chercher le sable. Mais en fait, la mer, c'est pas seulement une grosse masse d'eau salée. C'est aussi une très grande masse d'eau qui s'évapore. C'est tout un tas de nuages. Et cette eau, elle retombe. 90% de l'eau qui s'évapore sur la planète retombe, enfin s'évapore au-dessus de la mer et retombe dans la mer. Mais on a une chance incroyable ici, nous, là, dans nos latitudes, c'est qu'on a des vents d'ouest qui nous pousse un peu cette vague de nuages au-dessus de la Terre. Et en fait, le projet, si vous voulez, alors le projet, je ne vais pas aller donner, je ne sais pas si c'est un projet, si c'est, mais en tout cas, le fonctionnement, ça revient à aller chercher de la Terre, en fait, pour la ramener à l'océan. Un peu comme une vague le ferait, donc c'est une vague de nuages, donc c'est une partie du cycle de l'eau, hein. La rivière, c'est la partie terrestre de ce cycle de l'eau, et là, on a les nuages qui arrivent et qui vont aller récupérer la montagne. Léonard de Vinci disait « L'eau érode les montagnes, comble les vallées. Si elle le pouvait, elle ferait de la terre une sphère parfaite. » Vous l'avez une idée sur tout, vous passez à Amboise, vous pouvez peut-être faire un crochet. effectivement, il y a cette idée-là permanente, c'est-à-dire que le Massif central d'aujourd'hui, c'était une montagne de plus de 8 km. Il y a longtemps, certes, mais c'était plus haut que l'Himalaya. On n'arrive pas avec nos cerveaux d'hommes à imaginer ça, mais c'est cette situation-là, cet Himalaya a été entièrement aplani par l'eau et par la rivière, en permanence. Pour une seule et bonne raison, c'est celle de nourrir l'océan et de fabriquer des estuaires. Donc la vie, elle est apparue dans les estuaires, et elle est apparue parce que la rivière a digéré la montagne. Donc j'ai tout à l'heure parlé de la rivière comme des veines, mais finalement je trouve que la comparer à un intestin est peut-être plus juste encore. C'est-à-dire qu'effectivement, quand je vous dis qu'il faut mélanger l'eau, la terre et le soleil, si vous prenez un bloc de granit et que vous le mettez dans une bassine au soleil, il va sûrement se passer un peu un truc, mais pas grand-chose quand même, juste un peut-être à la surface. Donc l'idéal, c'est d'affiner en fait cette roche, et donc l'eau va pénétrer dans la roche, éclater avec le gel, les roches se fracassent, deviennent des galets qui vont devenir des graviers, qui vont être du sable et du gravier par chez nous, et qui vont s'affiner encore jusqu'à devenir des limons et des argiles. Et là, l'argile se digeste par le vivant. Alors, pourquoi ce petit point-là? Parce qu'en fait, c'est essentiel de comprendre que cette rivière, bien sûr, elle nous alimente en eau. J'ai pas mis mon timing, je ne sais pas pour 5 minutes, mais vous ferez des signes. Mais une des fonctions de l'eau qui est essentielle, en fait, c'est de nourrir l'océan. Et je me rappelle, Philippe, t'avais entendu dire que le roi du Maroc avait ce slogan de dire « plus une goutte d'eau douce dans l'océan ». Et on peut le comprendre, hein. On est au Maroc, l'eau c'est précieux. Oui, mais la pêche sur toute la côte marocaine, c'est précieux aussi. Et s'il n'y a plus la rivière qui alimente l'océan, alors il n'y a plus de poissons en mer. Hein, les poissons sont complètement dépendants de ces arrivées de nourriture. Donc voilà, oui, l'eau c'est essentiel pour alimenter des cultures dans les champs. Et à l'échelle d'un paysan qui regarde son exploitation, c'est essentiel, certes. Mais oui, l'eau elle est essentielle à l'échelle d'une agglomération pour alimenter en eau potable l'ensemble des gens. Et oui, l'eau elle est absolument essentielle pour nourrir l'océan. Et on a quand même encore besoin de l'océan, ici aussi. Donc je vais arrêter là, 5 minutes. Je parlais de la baignade. Son dos cuivré, tout au ras des soleils, et sous le grand vent d'ouest, la Loire, qui glapit et fait à la grève rousse un collier de plaies. Au soleil, loin du vent, n'avons-nous pas un mit construit dont l'embellit sur du sable mouvant? Mais la grève est fondue. Un beau matin de crue, illusion perdue, beau songe évanoui. Nous restons éblouis à chanter les Èves, nous avions fait un rêve là-bas sur une grève. Et maintenant, Clément va reprendre la parole pour nous parler de la baignade. J'ai une transition toute trouvée, on parlait des sables et des sables mouvants, effectivement la Loire et ses sables mouvants. Donc vous l'avez compris, le sable est en mouvement et le sable est mouvant puisqu'il coule de la montagne vers la mer. Et effectivement, dans ses déplacements, il se déplace dans le fond de la rivière, un petit peu comme les dunes dans le désert. C'est-à-dire qu'on a une pente douce et une pente raide. Et l'eau va pousser comme ça, et le sable va rouler et puis tomber sur cette partie un peu plus raide. On appelle ça la saltation. Donc le sable fait des petits saltos, il tombe sur la partie raide. Et il y a une partie de l'eau aussi qui va passer à travers la dune. Et c'est très important d'ailleurs, toutes ces dunes, parce qu'en fait, c'est elles qui vont filtrer l'eau. Et c'est intéressant de voir comme dans la nature, et Gilles tout à l'heure nous invitait à essayer de s'intégrer à cette nature, ce qui est intéressant, c'est que jamais rien ne sert qu'une seule fois. Et donc effectivement, il s'agit de digérer la montagne, mais il s'agit aussi de proposer dans le fond de la rivière un substrat qui va filtrer l'eau. Et à fur et à mesure qu'on s'éloigne de la source, on va avoir une station d'épuration de plus en plus performante qui se met en place. Parce que, oui, la rivière, c'est aussi l'accès à l'eau potable. Moi, j'ai dérapé, mais je reviens à la veille alors. C'est aussi l'accès à l'eau potable. Et donc, il faut que l'eau soit potable de la source à l'estuaire. Et pour ça, on a une évolution du substrat comme ça qui va devenir de plus en plus performant, l'argile étant ce filtre le plus fin et donc le plus performant qu'on ait. Sauf que dans ces déplacements, donc je vous ai parlé de ces dunes, et effectivement, sur le sommet de la dune, ben le sable il peut s'effondrer, tout simplement. Alors, pareil, en se baladant, vous pouvez voir, il y a des dunes qui sont toutes mignonnes, là, des petites dunes qui font 5 cm. Mais comme en mer, on a les petites vagues qui font les grosses vagues, ben on a aussi des dunes qui peuvent faire 1,50 m. Alors si tout d'un coup, tu passes de 50 cm d'eau au mollet à 1,50 m, et ben ton portable, il est mort. Mais c'est pas très grave. Par contre, si tout d'un coup, tu passes de 50 cm à 2 mètres d'eau, et bien t'as plus pied. Et si t'as plus pied, l'expérience que t'as, c'est que juste là, t'as des pieds. Sauf que juste là, c'est contre le courant. Et si tu commences à nager contre le courant, alors tu risques de te fatiguer. Pas lui. Et donc, c'est ça un petit peu le piège de la Loire. En fait, c'est son courant. Et c'est parfois de se faire embarquer dans ce courant. Donc, le seul conseil qu'on a à vous donner, vraiment, en fait, c'est d'observer et de comprendre où nous emmène le courant. Est-ce que le courant m'emmène dans un endroit avec plein d'arbres morts? Parce que, évidemment, le courant, il vient arracher la berge et parfois faire tomber les arbres. C'est absolument génial pour plein d'espèces. Mais par contre, pour le baigneur, c'est moins agréable. Pour peu qu'un castor soit venu aiguiser les racines. Donc, vous pouvez vous faire plaquer contre un système racinaire. Et donc, c'est délicat. D'accord? Donc, faites attention où vous emmène le courant. Ici, sur la Métairie, on est une zone qui est plutôt sécurisante. Et donc, c'était un très bon choix d'arriver ici. Sur la partie haute, par contre, on a clairement des aplombs. Vous pouvez vous retrouver vraiment... ça peut être surprenant. Voilà. L'eau, ça noie. Les deux dangers de la Loire, c'est le courant et c'est la température. La température, parce qu'en plein été, quand l'eau monte très fort, dans certains endroits, on a des développements de cyanobactéries. Et ça, c'est comme directement lié à cette interruption de connexion de la nappe... voilà, hein, comme les nappes sont trop basses, elles n'arrivent plus à rafraîchir la rivière par les flancs. Ça, c'est un vrai drame. Et c'est arrivé en 2019 sur la Loire, pour la première fois de manière conséquente. Et le deuxième danger, c'est donc l'hiver, parce que l'eau, elle peut descendre très bas. Et elle peut descendre à 4 degrés. Donc, voire elle peut geler. En 2013, on avait de la glace. Et donc, si vous voulez, on passe de la Méditerranée au Groenland. Mais on est toujours à Tours. On dit, oh non, ça va, je connais. Mais oui, non, mais c'est pas du tout la même eau. Donc il y a des petits dangers. Après, j'ai envie de dire que c'est comme la montagne. On ne part pas en montagne comme ça. On essaye d'être un peu aguerri avant de s'embarquer en montagne. Donc aujourd'hui, il y a une volonté de tous les Ligériens de se réapproprier ce fleuve. Et on a envie de dire OK, mais on ne part pas en montagne comme ça. Et les gens à Chamonix, ils ont appris. Et donc il faut réapprendre ce fleuve. Et évidemment qu'il faut aller... se laisser caresser par l'eau, c'est du bonheur, mais en étant attentif, c'est pas une piscine évidemment, et il y a quand même des morts toutes les semaines, et encore la semaine dernière, donc voilà. Si, un dernier conseil en vrai, c'est toujours lié à des zones en fait où il y a des points durs. Un point dur, ça peut être une souche d'arbres, en général ça n'a pas trop d'influence, mais ça va être une pile de ponts, un enrochement, c'est en général des constructions humaines. En fait, bien souvent avec la Loire, l'homme a créé du danger. C'est le cas avec les digues, mais c'est le cas avec les duits, les épis, tout un tas de constructions. Et donc vous avez un point dur, donc l'eau est obligée de faire le tour, et là, elle va creuser, créer des sortes de marmites. Et donc c'est, voilà, dès qu'il y a des constructions, soyez attentifs, et allez pas vous baigner sous les ponts, quoi. Là, c'est très grave. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Bonne baignade, et au plaisir. bah, on peut applaudir, bah, continuer d'applaudir bien fort, 6 au carré, voilà. Avec Antoine et Malo, qui sont venus pour nous aujourd'hui faire cette super pause poétique. Merci beaucoup. Voilà, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui ont permis à cette parenthèse d'exister, toutes les personnes de l'organisation, il y en a qui se reconnaîtront, qui se sont beaucoup beaucoup donné, mais comme tout le monde dans ce qu'on voit de l'eau, enfin beaucoup de gens dans ce qu'on voit de l'eau en tout cas, on est tous là pour ça, et aussi tous les bénévoles qui sont venus installer pour faire en sorte que cette parenthèse puisse avoir lieu. Et maintenant, on va remercier Cisso Carré qu'on fait toute la musique pour nous là jusqu'à maintenant. On les remercie. Merci beaucoup. Et donc pour finir, vous avez tous eu ce petit papier normalement et au dos d'un des côtés, il y a une chanson que vous connaissez peut-être qui s'appelle Les voleurs d'eau. Et on va essayer de la chanter ensemble. Vous allez voir, c'est. On va même le faire. On va le faire et c'est voilà, ça se répète, c'est toujours la même mélodie. Sur un petit rythme, voilà, si vous voulez le faire en percussion corporelle, enfin je vais vous montrer, puis tous ceux qui veulent chanter, chantez. Et voilà, on prépare ça, on va lancer le rythme. Et ce sera notre dernier petit chant commun avant le départ pour aller à la prochaine étape. Voilà, il y a un timing à tenir, messieurs, dames. Merci pour tout. Merci. Et bonne route. On lance d'abord le rythme. Merci. Vous pouvez faire le rythme ou soit chanter parce que c'est difficile de les faire en même temps. Puis moi maintenant je vais commencer, puis vous essayez de me suivre. Tourne la rivière là-haut. Que ferions-nous?